Dessine-moi, dessine idée. Car désister, donner des idées. Désir à des yeux, des îles au sanglier. Et des issues que j'ai, ça me met dans leur cache. Technique Daisy, Techie Daisy, Techie Daisy. Daisy m'éblouit, des idées ont surgi. Daisy n'a plus qu'à la jouer sensuelle. Oh oui, Daisy, je t'aime. Daisy a blessé, même tu as des idéaux. Justice et paix. Taking Daisy, taking Daisy, taking Daisy, yeah. Désirable, si ton cul, des images à l'éther, des inavouables, ivresse, des inaccessibles, volatiles, des idoles, chants des lus. Des irréels et des rêvés, mais des icônes comme toi, bébé. Des si belles et si polices, ça n'existe pas.